Elle rieste ce qu'il en reste. Les pères sévères. Quand j'étais plus petit, mes parents me racontaient souvent l'histoire de ces sages qui conseillaient jadis le grand dirigeant. Ils prédisaient l'avenir, disait-on. Ils ne purent prédire leur renvoi pourtant. Pour Dieu sait quelle raison, ils furent bannis de Wish City. Depuis, chaque parent, pour faire peur à son enfant, raconte l'histoire des pères sévères qui hantent les alentours de la grande cité et qui se nourrissent d'enfants. Vous mangez pas les enfants alors ? C'est ce qu'on dit de nous. Quand nous ne sommes pas là, les langues se délient, les mensonges pleuvent. On nous juge, messieurs les accusés. Oui, veuillez vous lever. C'est pas moi, c'est lui. Non, c'est lui. C'est pas moi. Nous plaidons non coupable, monsieur le juge. Dites-moi, vous me trouvez joli dans cette grande robe noire ? Ils se sont fait sucer le cerveau ou quoi ? La vache ! Ça fait pas du bien de vivre seul trop longtemps. Les trois têtes bougeaient nerveusement sur un seul corps. Les trois pères des Baefwish, les trois grands sages devenus croque-mitaines, pour tous les enfants gnomes d'aujourd'hui, s'apparentaient à des frères siamois. Ils gigotaient tous trois sous la lumière qui traversait le grand plafond. Enfin, ce qui restait du grand plafond. Vous êtes venus voir le grand plafond, n'est-ce pas ? C'est ça, hein ? Il existe vraiment autre chose que les Baefwish ? Il y a autre chose que le grand plafond ? Le ciel. Oh ! Comme c'est joli. En avance, sloop. Plein cap vers de nouveaux horizons. Journal de bord du capitaine Kirk, coefficient espace-temps 3, 4, 5, 6B. Nous découvrons un nouveau monde. Il va vraiment pas bien. Non, vraiment pas bien. Spock, venez ici. Où allons-nous, capitaine? Vers de nouveaux horizons. Attention aux astéroïdes. Sulu, mettez le cap sur mon cul. Ça va? Pas mal, et vous? Vous êtes sûr, vous racontez des choses, enfin on a du mal à comprendre. C'est quoi tout ce charabia ? J'ai avancé de quelques pas, Booze, lui, n'osait pas encore bouger. Alors j'avais raison, il existe bien un autre monde. Comment vous le savez ? Comment c'est ? Je veux dire, vous y êtes déjà allé ? Le gouvernement le sait qu'il existe, hein ? Oh la Mulder, t'as oublié Scully ! T'énerve pas, vieux ! T'as les globules rouges qui taquicardent ! Oui, un autre monde, oui, il existe. Nous, les pères sévères, le savons, mais très peu en connaissent l'existence. Nous savons car nous connaissons l'avenir. Enfin est venu le temps pour les Baefwish de ne plus être seuls sur Terre. Non, tu vois, Boo, j'avais raison. Il me fait peur, Squeak. Moi, je rentre chez moi. Ma mère m'a toujours dit de me méfier des gens avec plusieurs têtes. Père sévère, vous avez dit que vous nous attendiez? Oui. Vous deviez venir, nous le savions. Hein ? Mais on vous a pas prévenu ? Il va dans l'avenir, crétin ! Je suis pas un crétin ! Enfin, c'est ce qu'ils disent. Wick ? Booze ? Deux ? Oui, ils sont deux. Où est le troisième ? Hein ? Oui, le troisième, caché dans un coin, caché dans l'ombre ou bien planté devant la télé à manger des chims. Oh oh, question à 3000 points, Squeaky. Je t'appelle Squeaky, tu fais deux têtes de moins que moi. Pourquoi êtes-vous venus ici? Les pères sévères se sont presque jetés sur moi, j'ai reculé d'un pas, le cœur battant. Booze, étrangement, s'est avancé d'un air de défi. Il voulait me défendre ou quoi? Pour voir le grand trou? Non, pour découvrir votre destin. Un grand danger approche, Squeak. Grand danger, oui, nous le savons, nous le voyons. Où ça que vous le voyez ? Dans la pierre, dans la terre, elle sait tout. Trois Baefwish vont changer les choses, car un grand danger menace Wish City. Quoi ? Ils arrivent. Mais qui ? Il fout les chocottes ! Les rats ! Des rats ? Les pères sévères ont reculé, écartant les bras, levant les trois têtes vers le grand plafond. Ma lumière pâle éclairait leurs visages fatigués. Les rats. Des centaines, des milliers de rats, ils observaient Wish City depuis des mois. J'aime pas les rats. C'est vraiment des sales bêtes. Des rats, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Pourquoi? Ce qu'ils veulent. Les pères sévères ont tendu un doigt vers le trou. Ça. Un trou? Un trou? Oh mon dieu. On est mal barré, ça doit sauver le monde tout ça, la vache. Non. Pas un doigt, ni un trou. Une porte vers l'autre monde. Une sortie, la liberté et le chaos. Mais pourquoi je veux... Pourquoi enfin je veux dire on n'a jamais eu de problème avec les rats? Aïe! Qu'est-ce que c'était? Ça venait d'où? Y a quelqu'un qui est tombé, je crois. Là! Ouais, effectivement, quelqu'un s'était caché derrière un baraquement et venait de glisser lamentablement. Depuis combien de temps nous observait-il? Il se relevait maladroitement dans l'ombre. Oh mince! Et puis je suis toute poussiéreuse maintenant. Oh mais c'est là. Mademoiselle Mila? Quoi? Et voilà la troisième personne. L'équipe est au complet.